through translation, your mother tongue, mother language, you already understood for each one what you are doing. Mother. Vous avez tous compris, grâce à la traduction qui se trouve dans le livret, ce dont il s'agissait avec les préceptes moraux. Vous êtes des méditants, mais vous n'êtes pas que des méditants. Vous êtes également des personnes qui se sont rassemblées ici pour étudier le bouddhisme. Je vais donc vous expliquer pourquoi on prend les 9 préceptes moraux dans la tradition bouddhiste. Premier paragraphe, nous avons demandé aux moines de nous donner les préceptes moraux. Il faut toujours demander de recevoir les préceptes, sans quoi le moine ne serait pas autorisé à les donner. Il faut donc le demander à 3 reprises. Vous avez demandé à 3 reprises de recevoir les refuges et les 9 préceptes moraux. Et vous avez fait cela dans le but de vous libérer du samsara et d'atteindre la paix. Vous avez ensuite répété 3 fois la formule d'hommage au Bouddha, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Vous avez ensuite pris les 3 refuges et vous l'avez fait à 3 reprises. Vous avez répété la formule en pali, Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Vous avez pris refuge dans le Bouddha, dans le Dhamma et dans la Sangha. Il faut faire attention ici et bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une conversion. On ne vous demande pas de vous convertir au bouddhisme. Le fait de prendre les 3 refuges veut simplement montrer qu'on va faire confiance pendant le temps de cette retraite au professeur, c'est-à-dire au Bouddha. De la même façon que le patient qui se rend chez un médecin va recevoir un traitement de ce médecin, et pour que le traitement puisse avoir des résultats, il faut que le patient fasse confiance à ce médecin. Lorsqu'on entreprend des études également, il faudra commencer par faire confiance au professeur. Ici aussi, nous devons faire confiance au Bouddha qui va nous enseigner la méthode. Du temps du Bouddha, on ne prenait pas refuge comme nous l'avons fait aujourd'hui. À l'époque, les gens se rendaient auprès du Bouddha et écoutaient ses enseignements. Tous les jours, ou de façon très régulière, ils se rendaient donc à l'endroit où le Bouddha allait délivrer ses sermons, ils écoutaient, ils pratiquaient. Ainsi, petit à petit, la confiance dans cet enseignement, la confiance dans le Bouddha, grandissait. Et les gens expérimentaient de plus en plus de paix et de bonheur dans la vie. Ce n'est qu'alors qu'ils prenaient vraiment les refuges. Ils prenaient les 3 refuges, le refuge dans le Bouddha, la personne qui leur enseignait la méthode. Ils prenaient refuge dans son Dhamma, c'est-à-dire son enseignement, et enfin dans la Sangha, la communauté des disciples du Bouddha. Donc, à l'époque du Bouddha, prendre refuge était quelque chose qui ne se faisait qu'après avoir fréquenté les enseignements pendant un certain temps. Depuis 2500 ans, cette tradition s'est perpétuée et actuellement, on prend les 3 refuges, parfois avec déjà une certaine confiance dans l'enseignement, parfois tout simplement parce que c'est la tradition. Ne pensez pas que le pali est une langue qui vous est totalement étrangère. Vous avez tous répété le mot « ama ». Ama est un mot pali qui en fait a la même signification que amen en latin. Donc vous voyez qu'il y a déjà là des similarités entre ces deux langues. Le bouddhisme est très proche en réalité du christianisme. Ce sont deux religions qui font partie de la même famille. Il y a d'une part le latin et le grec qui sont les langues sacrées dans la tradition chrétienne et le pali et le sanskrit qui sont les langues sacrées dans le contexte bouddhiste. Mais ces deux langues ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, elles ont beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de similarités entre ces deux langues. Vous avez ensuite pris les 9 préceptes moraux. Le minimum pour les préceptes moraux, c'est 5 préceptes. Parfois on en prend 8, parfois on en prend 9, parfois on en prend 10. Quoi qu'il en soit, s'il a la moralité, L'éthique, c'est le fondement de notre pratique. Nous devons commencer par nous purifier l'esprit. C'est le fondement, la base à partir de laquelle la pratique va pouvoir se développer. On peut comparer cela à un immeuble qu'on voudrait construire. Il est indispensable qu'on commence par les fondations. Ces fondations doivent être solidement implantées, sans quoi l'immeuble serait fragilisé. Vous êtes venu ici pour expérimenter la paix et le bonheur. Il faut que vous commenciez par vous engager à respecter les préceptes moraux, sans quoi vous n'atteindrez pas cette paix et ce bonheur que vous recherchez. L'enseignement du Bouddha comprend trois grandes sections, sila la moralité, samadhi la concentration et panya la sagesse. Sila la moralité, c'est le fondement. Ici, nous avons pris 9 préceptes, le 9e étant metta, l'amour bienveillant, le fait de garder l'esprit toujours bienveillant. Nos esprits sont constamment envahis par des pollutions, comme la colère, l'avidité, l'ignorance, la jalousie, la haine, etc. Comment allons-nous faire pour nettoyer cet esprit qui est sale et pollué? Le premier précepte consiste à s'abstenir de tuer, panati pata. Vous vous êtes donc engagé à vous abstenir de tuer. On va se débarrasser de cette intention de tuer. Il faut savoir qu'ici, il y a également la cruauté, la méchanceté, la violence. Donc la violence est la forme mineure d'agressivité et elle va se développer jusqu'au fait de tuer. Nous avons donc pris l'engagement de nous abstenir de ces choses, en tout cas pendant la durée de la retraite. Le deuxième précepte consiste à s'abstenir de prendre ce qui n'a pas été donné. Autrement dit, nous allons essayer de nous débarrasser de l'attachement qui est présent dans notre esprit. Le troisième et le quatrième précepte consiste à s'abstenir d'activités sexuelles et à s'abstenir du mensonge. Ces deux activités suppose qu'il y a dans l'esprit de l'attachement. Donc ce troisième et ce quatrième précepte consiste à éradiquer l'attachement qui est présent dans l'esprit. Donc le cinquième précepte consiste à s'abstenir d'intoxicants. Il faut savoir qu'en règle générale, nos esprits sont plutôt purs, plutôt positif, même si on dit qu'ils sont à 50% remplis de négativité et à 50% remplis de choses positives. Mais si on consomme de l'alcool ou des intoxicants, on va modifier cet esprit. Cet esprit qui était relativement pur va devenir brumeux, peu clair, et il sera enclin à faire des choses négatives, à mal se conduire. Il pourrait faire des erreurs. Tout cela à cause de ces intoxicants. L'esprit n'est plus en mesure de faire la part des choses, il devient ignorant. Le fait donc de prendre des intoxicants va introduire moha, l'ignorance, dans l'esprit. Donc le sixième précepte consiste à s'abstenir de nourriture solide après 12 heures. Le septième précepte consiste à s'abstenir de produits qui embellissent le corps ou de divertissements. Vous êtes venu ici dans le but donc de pratiquer la méditation pour vous purifier l'esprit, pour atteindre la paix. Si vous vous divertissez par toutes sortes de choses, comme par exemple la musique, la danse, ou que vous cherchez à vous embellir le corps, tout ceci va amener des pollutions dans l'esprit, ce qui est précisément le contraire de ce que vous recherchez. Donc pendant cette retraite, on prend ce sixième et ce septième précepte pour aider la pratique. Le huitième précepte consiste à s'abstenir de l'usage de lits ou de fauteuils élevés ou luxueux. Ucha veut dire élevé, haut, et maha veut dire luxueux. Donc, selon la tradition bouddhiste, un fauteuil ou un lit haut, élevé, c'est un lit qui a 2 pieds de haut, par exemple. Donc, il faut s'abstenir de ces choses-là, tout simplement parce qu'en Asie, utiliser des lits ou des fauteuils de ce type indique qu'on est supérieur aux autres. On peut s'asseoir ou bénéficier de fauteuils plus hauts que les autres. Donc il faut éviter d'en arriver là et il faut s'asseoir au même niveau que les autres. La culture est très différente en Asie et ici en Occident. Tout est différent. Ici, en Occident, on utilise des chaises depuis toujours. Alors qu'en Asie, dans les pays asiatiques, on n'utilise pas de chaises. Les gens s'asseyent à même le sol, jambes croisées. Bente pense que pour les Occidentaux, ce n'est pas toujours facile de s'asseoir jambes croisées à même le sol. Donc si vous avez des problèmes avec cela, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser une chaise. Donc le neuvième précepte concerne metta, l'amour bienveillant. C'est la cerise sur le gâteau, pourrait-on dire. C'est comme si vous aviez préparé un gâteau et que vous le terminiez par de la crème. Cette crème va donner beaucoup plus de goût au gâteau. Vous vous êtes déjà débarrassé de la colère, de l'illusion, de l'orgueil, de la jalousie, de toutes ces choses négatives par l'engagement à respecter les préceptes moraux. Vous allez maintenant vous engager à garder l'esprit bienveillant pendant toute la retraite, à garder metta en vous. C'est comme si vous mettiez la cerise sur le gâteau. Donc ce n'est pas facile de parler des préceptes moraux dans la société. Les gens n'accepteraient pas et n'écouteraient pas ce qui est dit. Cet endroit est donc idéal pour en parler. C'est pourquoi je me réjouis d'avoir pu vous expliquer en quoi consiste vraiment la prise des préceptes. Vous êtes venu ici pour pratiquer la méditation, pour vous purifier l'esprit, pour pratiquer l'amour bienveillant. Je vais vous expliquer en quoi consiste le Metta Sutta, le sermon sur l'amour bienveillant. Je vais vous expliquer comment procéder pour le mettre en application. Je vais réciter le Metta Sutta. Il vous suffit d'écouter attentivement, même si vous ne comprenez pas les mots. Essayez d'écouter calmement et d'irradier en même temps des pensées positives. Samanda jagavalesu adraga chandu divada sadhama muni rajasa sunandu sega mokhadam dhamma savana kalo yam badanda dhamma savana kalo yam badanda dhamma savana kalo yam badanda Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Yasa nuva vado yekha niva dasindi bhinsanam Yami jiva niyo jando radindiva madandido Sukhan sumdi sodocha bhavan genji nabhasadi Iva mari gunu bhetam praidam tambanamahi Karaniya matha kusalina yanta santam patam bhisamecha Sego ujucha sujucha suvajo chasa muru anadimani Sando sago cha sumbaro cha abhagejo cha sanlhunka odi Sante indriyo cha nibago cha abhagavo gulesu nanu gedo. Naja kura machare kenchi yena venyu bre umbavadeyo. Sukhino wa kemino hundu sabi sada bhavantu sukhi tata. Yegechi bana buddhati dasa wa thaura wa anawasisa Digawayi wamanda majima rasaga nugatula. Tetawayi wa adeta yiwa duri wasandi awi duri. Buddha wa sambhavi siwa savi sada bhavantu sukhi tada. Nadro brani govita nadi manita kadaji nankanji. Yaro sana bhadiga sanya nanya manya sa dukha mechiya. Madayata niyam buddha mayusa iga buddha manuraki. Iwambi sababudesu manasam bhavi avrimanam. Madencha sabalokasame manasam bhavi avrimanam. Udando cha diriyancha asambaran avirama-sapadam. Titancharam nisaino vasayano yavadasa vidamedo. Idan sadin deitiya brahmamidam viharamidamahu. Titancha nubhagama silava dasanina sampano. Kamisu vinaya giran nahi jadu gavasiya bunari di di. Idi biso vagova arahan sama sambodho. Vija charana sambano sugado loka vidu. Anodaro burisa dhammasarati. Satadi wa manosanam bodho bhagavadi. Swakado bhagavadadamo sandeti go agali go. Ebasi go obaneyi go. Pajadam vedi devo venyu hidi. Sobidi bano bhagavado savaka sango. Ujo midi bano bhagavado savaka sango. Nyaya midi bano bhagavado savaka sango. Samije midi bano bhagavado savaka sango. Yadidan chadari purisa yugani dhaburisa bhogala. Isa bhagavado savaka sango. Ahuniyo pahuniyo Tekhiniyo anjali karaniyo Anudaran paunyakhetan lokasati. Iwan bhodan sarandhanan dhaman sanganja bheko. Yanwa chamitadhanwa lomahanso nahisadi. Yanduni maidan wa mangalancha yoja manabho sakuna sasado. Bhambhagho dosubina agantan buddha nuva vina vina samindu. Dhamma nuva vina vina samindu. Sangha nuva vina vina samindu. Vadu sava mengalang rekhandu sava divata. Sava buddha nuva vina sara sukhi bhavantu di. Sava dhamma nuva vina sara sukhi bhavantu di. Sava sangha nuva vina sada sukhi bhavantu di. May all of blessing be with you. May all of God, guardian, look after to you. For the power of Lord Buddha, Dhamma his teaching, Sangha holy disciple, may all of you be well, happy, peaceful, successful, and long life. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Mama.